Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un clair de lune lumineux, deux rires, un rire comme des cymbales en argent et un rire qui répond à ce rire comme les pétales d'un géranium mort secoué par un homme fou. Nous ne sommes pas encore là, nous ne sommes pas à ce clair de lune lumineux et à ces deux rires, mais cela viendra. Le 21 août 1985 sur France Culture, Francis Lacassin présentait Les Nouvelles du Crime. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 août 1985. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Les Nouvelles du Crime. Texte choisi et présenté par Francis Lacassin. Une étoile m'a dit, et surtout l'univers en folie, sont des titres bien connus des amateurs de science-fiction en France. Ces deux œuvres et trois ou quatre autres ont suffi en effet pour assurer dans notre pays, dès les années 1950, la réputation de Frederick Brown, comme auteur, non pas de roman policier, mais comme auteur de science-fiction. Paru dans la Defun Collection Le Rayon Fantastique, l'univers en folie révélait, il est vrai, un univers absolument nouveau en France, celui de la science-fiction. Mais cette révélation et cette nouveauté ont fait oublier que l'œuvre de Frederick Brown était composée pour les 4/5 de romans policiers. Et on a mis quelques 10 ans à s'apercevoir que Brown était aussi un des grands de la littérature policière. Mort en 1972 dans l'Arizona, Frederick Brown était né en 1906 à Cincinnati dans l'Ohio. Sa première nouvelle paraît en 1938, il a alors 32 ans, dans la célèbre revue Detective Story. Et c'est en 1947, dans Crime à Chicago, son premier roman, qu'il a créé un duo insolite et amusant d'enquêteurs, Ambrose Hunter et son neveu Ed. Dans l'œuvre de Frederick Brown, l'humour est très souvent balancé par un climat inquiétant et déroutant, une espèce de décalage analogue à celui que procure l'alcool et dont les effets sont proches du cauchemar. D'ailleurs, chez Brown, chez ses personnages plutôt, l'alcoolisme ou la schizophrénie sont le plus souvent à l'origine de ce décalage, mais parfois aussi, il résulte purement et simplement d'une véritable mystification féerique ou poétique, comme par exemple dans La Nuit du Jabberwock, qui est une véritable version policière de Alice au Pays des Merveilles. Et ce sont les déviations de la passion refoulée qui expliquent que l'un des personnages de Brown, par exemple, ait pu devenir amoureux d'une femme morte depuis 8 ans. Et c'est ce même décalage, obsédant, surprenant, déroutant, qui se retrouve dans la nouvelle Petite Annie. Pour dîner, et vers 8 heures, je pris du jambon dans le réfrigérateur et me préparai un sandwich. Je n'étais pas effrayé, mais l'inquiétude me gagnait. J'allais sans cesse à la fenêtre et regardais le bas de la colline s'étirant vers la ville, mais je ne la voyais pas arriver. C'était un soir de clair de lune, lumineuse et pure. Les lumières de la ville étaient jolies, et au-delà, les dômes noirs des collines se détachaient vers le ciel bleu sombre, sous une lune jaune, presque pleine. Je songeais que j'aurais aimé peindre cela, mais sans la lune. Placer une lune sur un paysage, et elle semble dorée, elle paraît belle. Van Gogh le fit dans son ciel étoilé, et elle ne parut pas belle, elle sembla fantastique. Il était presque 9 heures, et elle n'était toujours pas rentrée. Non, il n'y avait rien à craindre, elle était quelque part avec des amis, il ne lui était rien arrivé. Mon studio est presque à 2 kilomètres de la ville, perché sur les collines. Elle n'avait aucun moyen de me prévenir, car nous n'avons pas le téléphone. Elle prenait probablement un verre avec la bande à l'auberge Worley. Elle n'avait pas de raison de soupçonner une inquiétude de ma part. Aucun de nous deux ne vivait en fonction de l'heure, c'est entendu entre nous. Elle serait bientôt à la maison. Il restait une demi-bouteille de vin et je m'en versai un verre. Je le vidai et sentis se nouer mon estomac. Je ne savais pas pourquoi. Souvent, l'âme rentrait plus tard que cela, beaucoup plus tard. Il n'y avait aucune raison valable de m'inquiéter. Je posai mon verre sur le rebord de la fenêtre et ouvris la porte. Cesse d'être stupide, me dis-je. Il n'est pas encore tard, il est tôt, à peine plus de 9 heures. Je dévalai la colline en direction de la ville et le nœud de mon estomac se resserra. Je m'injuriais parce qu'il n'y avait aucune raison à cela. Les dômes des collines au-delà de la ville s'élevaient à mesure que je descendais, s'élançaient vers les étoiles. Il est difficile de peindre des étoiles ressemblantes. Il faudrait faire des trous d'aiguille dans la toile et placer une lumière derrière. Je trouvais l'idée ridicule. Mais pourquoi pas? Sauf que cela n'avait jamais été fait, et après tout, que m'importait? Puis j'y réfléchis un peu, et je compris pourquoi cela n'avait pas été fait. C'eût été puéril, indigne d'une personne mûre. J'arrivais près de chez Hans Wagner et je ralentis mon allure pensant que l'homme pouvait être chez lui. Hans vivait seul et l'homme ne serait évidemment pas là, à moins qu'un groupe ne fût venu de l'auberge ou d'ailleurs chez Hans. Je m'arrêtai pour écouter. Pas un bruit, donc pas de groupe. Je continuai mon chemin. J'atteignais la bifurcation. Plusieurs voies partaient de là et je pouvais manquer l'homme. Je pris la route la plus courte, celle qu'elle aurait probablement suivie pour revenir directement de la ville à la maison. Le chemin passait devant la maison de Carter Brent. Nul éclairage. Une lumière brillait chez Sylvia. Une musique de guitare me parvint. Je frappai à la porte et tandis que j'attendais, je compris que c'était un disque et non pas un guitariste en chair et en os. C'était Segovia jouant Bach, la chaconne de la partita en ré mineur, un de mes morceaux préférés. Très belle, très menue et délicate, comme l'âme. Sylvia m'ouvrit la porte et répondit à ma question. Non, elle n'avait pas vu l'âme. Elle n'avait pas été à l'auberge ou nulle part ailleurs. Elle avait passé l'après-midi et la soirée chez elle. Mais accepterais-je de rentrer prendre un verre? Je fus tenté, plus par Segovia que par le verre, mais je la remerciai et poursuivis mon chemin. Au lieu de cela, j'aurais dû faire demi-tour et rentrer, car sans raison, je me laissais gagner par une de mes crises de cafard. J'étais illogiquement ennuyé de ne pas savoir où était l'âme. Si je la rencontrais maintenant, je me querellerais probablement avec elle, et j'aborde les querelles. Non que cela nous arrive souvent. Chacun de nous est assez tolérant et compréhensif, au moins en ce qui concerne les petites choses. Et que l'âme ne fût pas encore rentrée demeurait une chose insignifiante. Mais je pouvais entendre le beuglant appareil à disque, quoique je fusse encore loin de l'auberge. Et cela ne dissipa point ma mauvaise humeur. En m'approchant, je regardais par la fenêtre, et l'âme n'était pas là, pas au bar. Il y avait 2 couples au bar. Je les connaissais. Charles et Eve Chandler et Dick Bristow avec une fille de Los Angeles que j'avais rencontrée mais dont je ne pouvais pas me rappeler le nom. Et un autre type, courtier, et qui le paraissait en dépit de ses efforts pour ressembler à un découvreur de talent d'Hollywood. Peut-être n'était-il vraiment un. Je rentrais et remerciais Dieu que l'appareil à disque s'arrêta juste au moment où je franchissais le seuil. Je me dirigeais vers le bar en parcourant des yeux la baraque entière. L'homme n'était pas là. Je fis hello aux 4 personnes que je connaissais et au courtier, si cela pouvait le flatter, ainsi qu'à Harry derrière le bar. Je demandai à Harry, l'homme est-elle venue ici? Personne ne l'a vu, Wayne. Pas depuis 6 heures, je suis arrivé à ce moment. Voulez-vous boire quelque chose? Je ne le désirais pas particulièrement, mais je ne voulais pas avoir l'air d'être venu uniquement pour l'âme. Je commandai donc un verre. Comment va la peinture? Me demanda Charlie Chandler. Il ne parlait pas d'un tableau en particulier, et il en aurait été incapable si tel était son but. « Bien, » dis-je comme on le fait toujours pour répondre à une question dépourvue de sens. Et je bus une gorgée du liquide qu'Harry m'avait servi. Je réglai la consommation et me demandai combien de temps je devais rester pour qu'il ne fût pas évident que j'étais seulement venu à la recherche de l'homme. Pour une raison quelconque, la conversation mourut. Si on parlait avant mon arrivée, on avait cessé maintenant. J'observais Ève traçant des cercles humides sur le bar avec le fond de son verre de dry. Le livre muait sans arrêt au fond du verre, et je compris qu'elle avait la couleur, l'exacte couleur que je voulais composer une heure ou deux auparavant, juste avant de renoncer à peindre ce soir. Mais où était l'homme? S'il n'était pas encore à la maison à mon retour, serais-je capable de peindre? Ou bien recommencerais-je à me tourmenter à son sujet sans raison? Éprouverais-je encore cette sensation de boule au creux de l'estomac? Je remarquai que mon verre était vide, j'avais bu trop vite. Maintenant, mieux valait boire encore, autrement le motif de ma visite deviendrait trop évident. Et je ne voulais pas que les gens, même ceux-là, pensent que j'étais jaloux de l'âme et inquiet à son sujet. L'âme et moi, nous nous faisons implicitement confiance. J'étais curieux de savoir où elle était, et je la souhaitais de retour, mais c'était tout. Je n'éprouvais aucun soupçon. Il ne comprendrait pas cela. Je dis « Harry, donne-moi un dry !» J'avais bu si peu que cela ne pouvait pas me faire de mal de mélanger les boissons, et je voulais étudier cette couleur de près, la voir à portée de la main. J'en ferais la dominante du tableau, tout graviterait autour d'elle. Harry me tendit le dry, il était bon. Je retournai le livre, et elle n'était pas tout à fait de la couleur que je désirais, un peu trop brunâtre, mais je gardais mon idée. Et je persistais dans mon intention de travailler dessus cette nuit si je trouvais l'âme. Si elle était là, je pourrais travailler, je pourrais préparer la couleur, et demain, je pourrais la fignoler, la nuancer. Mais, à moins que je l'eusse manqué, qu'elle fût déjà à la maison ou en route, il restait peu de chance. Nous connaissions des douzaines de gens, je ne pouvais pas aller partout où elle aurait pu se trouver. Mon seul espoir était maintenant le club de Mike, à 1500 mètres sur la route de l'autre côté de la ville. Elle serait peu probablement allée là-bas, à moins d'être avec quelqu'un qui eût une voiture, mais cela avait pu se faire. Je pouvais téléphoner pour le savoir. Je terminai mon verre et grignotai le livre, puis je fis demi-tour pour aller à la cabine téléphonique. L'homme aux cheveux ondulés, Jean Hollywood, revenait vers le bar après avoir mis en marche l'appareil à disque. Celui-ci se mit à jouer un air criard, un disco particulièrement bruyant et désagréable. J'éprouvais l'envie de donner au type un coup de poing sur le nez, mais je ne pus même pas capter son regard pendant qu'il se pavanait en regagnant son tabouret. Et de toute façon, il n'aurait pas compris pourquoi je le frappais. Mais la cabine du téléphone était juste à côté de l'appareil à disque, et je n'aurais pas entendu un mot ni été entendu si je téléphonais à Mike. Un disque dure environ 3 minutes, je le supportais 1 minute, mais ce fut assez. Je voulais faire cet appel et m'en aller. Je me dirigeais donc vers la cabine, je contournais l'appareil à disque et enlevais la prise. Posément, pas violemment du tout, mais le brusque silence fut brutal, si brutal que je pus entendre, comme si elle les hurlait, les derniers mots que disait Ève à Charlie. Sa voix s'intensifiait à peine pour dominer le tapage des cuivres, mais cela revenait à utiliser un haut-parleur dès que j'eus débranché la prise de courant de l'appareil. « Peut-être chez Hans !» Elle s'interrompit brusquement, comme si elle avait l'intention d'en dire plus. Nos regards se croisèrent et le sien me sembla chargé d'appréhension. Je ne prêtais aucune attention au dandy hollywoodien. S'il voulait faire quelque chose parce que j'avais interrompu son disque, c'était son affaire, et il pouvait me provoquer. Je pénétrai dans la cabine et refermai la porte. Si cette machine à disque démarrait encore avant la fin de ma conversation, ce serait mon affaire et je pourrais déclencher une histoire. Mais l'appareil resta silencieux. Je fis le numéro de Mike, et lorsque j'eus quelqu'un au bout du fil, je demandai « L'âme est-elle là ?»« Qui demandez-vous, monsieur ?» Je répétai patiemment « Ici, Wayne Gray, est-ce que Lambeth Gray est là ?»« Oh !» Je reconnus la voix de Mike. « Je n'avais pas compris tout de suite. Non, monsieur Gray, votre femme n'est pas venue ici. » Je le remerciai et raccrochai. Lorsque je sortis de la cabine, Ève et Charlie étaient partis. j'entendis une voiture au dehors qui démarrait. Je fis un signe de la main à Harry et sortis. Les feux arrière de la voiture de Chandler grimpaient vers la colline. Ils prenaient la direction qu'ils auraient dû prendre s'ils allaient chez Hans Wagner, pour prévenir Lamb que j'avais entendu une chose que je n'aurais pas dû entendre et qu'il se pouvait que je vienne. Mais c'était une hypothèse ridicule. Quelle que fût la raison qui avait donné cette idée stupide à Eve Chandler que Lamb pût être en compagnie de Hans, c'était faux. Lamb était incapable d'une chose pareille. Eve l'avait probablement vu boire un verre quelque part avec Hans et avait interprété la chose de travers, complètement de travers. Et en outre, Lamb avait plus de goût que cela. Hans était beau garçon et c'est un homme à femme, ce que je ne suis pas. Mais il est sot et il ne sait pas peindre. Lamb ne serait pas tenté par un être aussi fat. Mais mieux valait que je rentre à la maison maintenant, décidai-je. À moins de vouloir donner l'impression aux gens que j'explorais à fond la ville à la recherche de ma femme, je pouvais difficilement continuer mes recherches ou interroger plus de gens à son sujet. L'opinion des gens sur moi, individuellement ou en tant que peintre, me laisse indifférent. Mais je ne voulais pas qu'ils pensent que j'avais des doutes sur l'âme. La maison était éclairée, mais je ne m'y arrêtais pas et me dirigeais vers mon studio au sommet de la colline. Peut-être l'arme y était-elle maintenant. Je le souhaitais. À aucun prix je n'allais m'arrêter chez Hans, que les Chandler l'eussent fait ou non. Je ne voyais pas l'arme sur la route entre la maison de Hans et la mienne. Mais elle avait pu l'avoir parcourue avant mon arrivée, même si... Eh bien oui, même si elle s'était trouvée chez lui, si les Chandler s'étaient arrêtés pour la prévenir. Il y avait plus d'un kilomètre de l'auberge à la villa de Hans, et seulement 500 mètres de chez Hans à chez moi. Lamb avait pu courir, je n'avais fait que marcher. Devant le studio de Hans, un joli studio avec cette baie vitrée que je lui enviais. Pas le studio, pas les meubles fantaisie, seulement cette merveilleuse baie vitrée. Oui, vous pouvez avoir un magnifique éclairage dehors, mais le vent et la poussière arrivent toujours au mauvais moment. Et quand vous peignez le plus souvent de tête, au lieu d'avoir l'objet sous les yeux, il n'y a aucun avantage à travailler dehors. Je n'ai pas besoin de regarder une colline pour la peindre. J'ai déjà vu des collines. La lumière brillait chez moi là-haut. Mais je l'avais laissée en partant, cela ne pouvait donc pas que l'arme fût arrivée. J'avançais péniblement, m'essoufflant au long de la pente. J'avais marché trop vite. Je me retournais pour contempler une fois encore ce paysage, avec la lune pleine, un peu plus haute dans le ciel et un peu plus lumineuse. Oui, je comprenais pourquoi les femmes l'aimaient. Les femmes, mais pas l'arme. Je retrouvai mon souffle et recommençai à grimper. Je criai le nom de l'âme en arrivant près de la porte, mais elle ne répondit pas. Je rentrai, elle n'était pas là. La maison semblait affreusement vide. Je me versai un verre de vin et me rapprochai du tableau que j'avais entamé. Il était tout à fait mauvais. Il ne signifiait rien. Il me faudrait racler la toile et recommencer. Bon, cela m'était déjà arrivé. C'est le seul moyen d'arriver à quelque chose de bien, d'être impitoyable quand on atteint seulement à un à peu près. Mais je ne pourrais pas m'y mettre cette nuit. Je ne voulais pas penser. Je décidai donc de lire un peu. Des poèmes, peut-être. J'allais à la bibliothèque, je vis un livre de Blake et cela me fit penser à l'un de ses plus simples et plus beaux poèmes, L'agneau. Il me faisait toujours penser à l'âme. Petit agneau qui t'a créé. Personnellement, ce vers me produisait toujours un curieux effet. Il contenait pour moi une implication que Blake n'avait évidemment pas prévue. Mais je ne voulais pas lire Blake ce soir. T.S. Eliot, minuit ébranle la mémoire comme un homme fou secoue un géranium mort. Mais il n'était pas minuit encore et je ne me sentais pas en humeur de lire Eliot. Pas même Prufrock. Allons, toi et moi, là où le soir s'étend sur le ciel comme un malade anesthésié sur la table d'opération. Il pouvait faire avec des mots des choses que j'aurais aimé fixer avec des couleurs. Mais ce ne sont pas les mêmes choses, le même instrument. La peinture et la poésie diffèrent comme le manger et le dormir. Cependant, les deux champs peuvent être et sont aussi vastes. Les peintres peuvent se différencier aussi profondément que Bonnard et Braque, et pourtant être pareillement de grands peintres. Et les poètes aussi grands que Eliot et Blake. Petit agneau qui... Non, je ne voulais pas lire. Et assez réfléchi. J'ouvris la malle et pris mon 45 automatique. Le chargeur était plein. J'actionnai la culasse pour injecter une balle dans la chambre et mis le cran de sûreté. J'empochai l'arme et sortis. Je fermai la porte derrière moi et commençai à descendre la colline vers le studio de Hans Wagner. Je me demandais si les Chandler s'étaient vraiment arrêtés pour les prévenir. Dans ce cas, ou bien l'arme serait rapidement revenue à la maison, ou bien elle aurait continué avec les Chandler jusque chez eux. Elle aurait pu penser que cette solution semblerait moins voyante que de rentrer en courant à la maison. Même si elle n'était pas là, cela ne prouverait donc rien en sa faveur. Si elle y était, cela prouverait simplement que les Chandler ne s'étaient pas arrêtés là. Je dévalais la route et j'essayais de voir au-delà des formes noires des collines accroupies, le jaune des lumières. Mais elle ne menait à rien, ne signifiait rien. Sans âme, incapable de sentir, comme un malade anesthésié sur une table, comme un homme fou, le tremblement d'un géranium mort, petit agneau, petite limbe. Ses cheveux noirs et ses yeux plus noirs encore dans la blancheur de son visage et la sveltesse de son corps d'une blancheur admirable, la douceur de sa voix et le contact de ses mains me caressant les cheveux et les cheveux de Hans Wagner du même jaune que cette lune moqueuse. Je frappai à la porte, ni fort ni faiblement, juste un coup. Hans mit-il trop longtemps avant de venir ? Semblait-il effrayé ? Je ne le sus pas. Son visage était avenant, mais ce que cachait cette apparence, je ne le discernais pas. Je sais détailler les lignes d'un visage, mais je ne peux lire sur la physionomie des gens, ni les juger sur leur voix. Il dit : Hello, Wayne ! Entrez ! J'entrai. L'homme n'était pas dans la pièce principale, le studio. Il y avait d'autres pièces, évidemment, une chambre à coucher, une cuisine, une salle de bain. Je voulais les visiter toutes sur le champ, mais c'eût été grossier. Je ne partirais pas avant de l'avoir fait. Je dis, je suis légèrement inquiet au sujet de l'arme. Elle est rarement dehors, seule, à une heure si tardive. L'avez-vous vue ? Il secoua sa belle tête blonde. J'ai pensé qu'elle aurait pu passer sur le chemin du retour. Je lui souris. Peut-être me sentis-je seul et cafardeux. Que diriez-vous de retourner avec moi à la maison boire un verre ? J'ai seulement du vin, mais il y en a autant qu'on en veut. Évidemment, il devait répondre. Pourquoi ne pas boire ici ? Et il le fit. Il me demanda même ce que je voulais, et je dis un dry parce que cela le contraignait d'aller à la cuisine le préparer et me donnait l'opportunité de jeter un coup d'œil aux alentours. D'accord, Wayne. Je vais en prendre un aussi. Excusez-moi un instant. Il alla dans la cuisine. Je jetai un rapide coup d'œil dans la salle de bain, puis dans la chambre, que j'examinai à fond, regardant même sous le lit. L'homme n'était pas là. Je pénétrai dans la cuisine et dis : J'ai oublié de vous recommander de faire le mien léger. Je voudrais peut-être peindre un peu en rentrant chez moi. Certainement. L'homme n'était pas dans la cuisine. Était-elle sortie par derrière à mon arrivée ? Je me souvins que la porte de la cuisine était bruyante et je ne l'avais pas entendue. Et c'était l'unique sortie à part la porte principale. J'avais été stupide. À moins, évidemment, que l'homme eût été ici et ne fût parti avec les Chandler quand il s'était arrêté pour la prévenir, si toutefois il s'était arrêté. Il m'apporta mon verre et je le remerciai. Je le dégustai pendant qu'il attendait d'un petit air protecteur. Il ne fallait pas que je me formalise de cela. Il gagnait de l'argent, moi pas. Mais mon opinion à son sujet était pire que n'aurait jamais pu l'être la sienne au mien. Comment va votre travail, Wayne? Bien. J'avalai une gorgée. Il m'avait pris au mot et avait fait le mélange très léger, en majorité avec du vermouth. Il était fade de la sorte. Mais le livre y semblait plus sombre, se rapprochait de la couleur que j'avais dans ma tête. Peut-être, seulement peut-être, une fois le tableau construit autour, cette couleur ressortirait-elle. Belle maison, Hans. Cette baie vitrée, je souhaiterais en avoir une. Il haussa les épaules. Vous ne peignez pas de modèle, et les paysages se font dehors. Les paysages sont dans votre tête. Il n'y a aucune différence. Et soudain, je m'étonnais et me demandais pourquoi je racontais cela à quelqu'un qui ne comprendrait pas de quoi je parlais. Je regardais par la fenêtre, celle qui s'ouvrait face à mon studio. Je souhaitais voir l'homme sur le chemin, mais je ne la vis pas. Elle n'était pas ici. Où était-elle? Même si elle s'était trouvée ici et en était partie lors de ma venue, elle aurait été sur le chemin en ce moment. Je ne la voyais pas. Je me retournai. Les Chandler sont-ils venus ici ce soir? Les Chandler? Non, je ne les ai pas vus depuis 2 jours. Il avait fini de boire. Il demanda... Un autre? J'allais répondre non. Je ne le fis pas. Mes yeux venaient de découvrir par hasard, tout à fait par hasard, la porte d'un placard. J'en avais vu l'intérieur une fois. Il n'était pas immense, mais suffisamment grand pour permettre à un homme de se tenir debout à l'intérieur. Ou bien à une femme. Je dis « Merci, volontiers. » Je le rejoignis et tendis mon verre. Avec le mien et le sien, il retourna à la cuisine. Je marchais tranquillement jusqu'à la porte du placard et tentai de l'ouvrir. Elle était fermée à clé. Et il n'y avait pas de clé sur la porte. C'était insensé. Pourquoi quelqu'un garderait-il un placard fermé à clé alors qu'il fermait toujours toutes les portes et fenêtres donnant sur l'extérieur lorsqu'il sortait? Petit agneau, qui t'a créé? Hans sortit de la cuisine, les 2 verres pleins en main. Je lui demandai aimablement. Hans, vous gardez votre placard fermé à clé? Il est fermé? Ah non, non, non, d'ordinaire, je le laisse ouvert. Il se rendit compte qu'il ne m'avait pas répondu comme il le fallait. Et il dit plus crânement... Qu'est-ce qui ne va pas, Wayne? Rien. Rien du tout. Je sortis le 45 de ma poche. Il était trop loin pour pouvoir plonger sur moi. Je lui souris. Que diriez-vous de me donner la clé? Ces grands costauds n'ont rien dans le ventre. Ils crevaient de trouille. Il tenta de retrouver sa voix normale. Je sais pas où elle est. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Mais restez où vous êtes. Ne bougez pas, Hans. Il obéit. Les verres s'entrechoquèrent, mais les olives restèrent à l'intérieur. Je le surveillais tout en appliquant le canon du 45 sur le trou de la serrure. Je pris un angle de tir qui éviterait de tuer quiconque pouvait se cacher à l'intérieur. Je pressai la détente. La détonation même dans ce vaste studio fut assourdissante, mais je ne quittai pas Hans du regard. J'avais peut-être sourcillé. Je reculai comme la porte oscillait lentement pour s'ouvrir. Je visais Hans au cœur. Je gardai l'arme dans cette direction pendant que la porte du placard glissait vers moi. Une olive heurta le carrelage avec un bruit imperceptible en d'autres circonstances. Je continuais de viser Hans tout en inspectant le placard par la porte large ouverte. L'arme était là, nue. Je tirais sur Hans, et ma main était si sûre qu'une balle suffit. Il s'affaissa, une main remontant vers le cœur, qui jamais ne l'atteignit. Sa tête heurta les carreaux avec un craquement. Le bruit était celui de la mort. Je remis le revolver dans ma poche et ma main se mit à trembler. Le chevalet de Hans était devant moi, son grattoir de palette posé sur le rebord. Je saisis le grattoir et dégageai ma lampe toute nue, de son cadre. Je la roulais et la serrais étroitement contre moi. Personne ne la verrait jamais comme cela. Nous partîmes tous les deux, et la main dans la main, commençâmes l'ascension de la colline. Je la regardais sous le clair de lune lumineux. Je ris, et elle me répondit. Mais son rire était comme des cymbales en argent, et le mien comme les pétales d'un géranium mort secoué par un homme fou. Sa main échappa à la mienne, et elle se mit à danser, légère et blanche comme un esprit. Son rire tinta, et elle me parla. Tu te rappelles, chérie ? Tu te rappelles que tu m'as tué quand je t'ai tout dit sur Hans et moi ? Tu ne te souviens pas de m'avoir tué cet après-midi ? Tu ne t'en souviens pas ? Tu ne t'en souviens pas, chérie ? C'était Petit Agneau de Frédéric Braun avec Jacques Franz et Rémi Kirsch. Réalisation Jacques Béraud. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 août 1985. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Qui s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié « Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum !» Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes.